Des jeux de claques et pas ces histoires d'amour qui deviennent tristes dans les halls de gare où les lèvres pour mort chauffe le pain de la bouche des terroristes. Faut dire que je fais un terrodéo, que j'ai sinistré plus d'une zone. Ils ont bien raison les météos, te donner des noms de filles aux cyclones. Qu'il me faudrait pour en faire heure à deux. Je ne suis pas vraiment un cadeau du ciel. Je ne suis pas un ange, ça me paraît clair. Et pourtant, regarde sans les ailes, je pars bien quand même à tout foutre en l'air. Tout le temps, il meurt en vie, je meurs d'envie.